Nayo tositu botabana e Nana metana na solo na yo ya nzoto Nyoso bakoloba bakotikala na sonyo Oh oh oh luzolo, ah luzolo Bona luzolo, na yebi mana tere Nyoso bakoloba, bakotikala na sonyo Ora ra luzolo, ah luzolo Bolingo yanga na luzolo to si to sala pami Bolingo yanga na ye ya ala Nyoso bakoloba bakotika la sonyo ata bosali nyoso bokole manzoto papa Bolingo yanga na yedengo se ya kana e Bolingo yanga na emene ya o Bolingo yanga na dindo e dindo yogo e Nyoso bakoloba bokotikala na sonyo ata bosali nyoso e adonda se yo yo yo na boma makapu na boma bakasa e komita moya kokabola bango bazimi sudi patikeli na mukuwa patikeli na mukila patikeli na moto balobina ngai boye mpona yo wana ekoki mama ukitani na babanza makasi libososwa mometo masenga yo batina yo batongo yo bazali kopesa yo makasi kyakuyakue kyangani kyangani bofinga bofinga botongo botongo boyina boyina nazali mungwa te nasila na mbula nasila na kata nzungu ya madeswe nazali moto moto nzambe asala okitani na evabanza mona mpasi libosozwa komengo basenga yo bafinga yo batongo yo nazali kopesa yo makasi Yeah. bongo la lokola mbonge lindisi babwatue dubu dubu dubu mama So basusu bazonga sima, bae bazonga sima, basusu na bisengo, umye sote, ifore kile mama, mama, batia kilo kolo libo, so basusu bazonga sima, bae bazonga sima, basusu na bisengo, umye sote, ifore kile mama. Namo pero na lembi una ni tali soto eh tikala sala ke banalu kana bolonga nanda tikala sala ke banalu ka esika na nyaka lokinga na ina na pina na ipamba selina na boyanga e komela nga banyomo una ni tali soto eh oh la vie. C'est un combat, mon cher ami, Sila. Il faut chercher par-ci, par-là, trouver vos sonores. Oh. Una mitali zoto e zoto nanga mo pero na lembi. Una mitali zoto e tikana sara ke banalu karo kolo ngana langa. Sala ke banaluka esika na nyata, lokinga na inga, na bila ngai pamba siri na ngaya boyanga, ekomela nga makanisi, una mitali zato e. Partout, partout, pour ma soie, via mon yo-yo. Et pour canana ma soie, on a nato mon anneau. Souka, souka, c'est motula. Matako, salina, mbongo. Babwa, kakana, zelate. Baba, zanga, balokota. Via mon mambo mingi. Kolata, kakana, mbongo. Olia, sena, mbongo. Via mon mambo mingi. Via mon yo-yo. Aïe, aïe, j'ai bien, balanda via mambo. Bako mako luka luka, partout partout po maswa, viango yoyo, eko kana na maswa, unana to monano, suka suka se potura. Ata kozali na mbongo, mbabwa kaka na nzela te, baba zanga balokota, viango mambo mingi, kolata kaka na mbongo, kulia se na mbongo, viango mambo mingi, viango yoyo. Coco, la goba pour la zone en bocoté, chéri Coco, la fini à la zone et le côté, maman Stananga, la goba pour la zone en bocoté, oh, famille à Nyonso, la tire pour la zone et le côté, Piango, mambo mingyo, Oluka, Oluka, Yango, Oluka, Oluka, Yango, oh, la suga wa pire, Oluka, Oluka, Yango, mambo mingi e oluka oluka yango bi oyo oluka yango na suka wapi e oluka yango sama mingi e oluka oluka Celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui est intelligent saura gagner. Marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui est intelligent saura gagner. Donna. Mon cher, ma cambo trop éveillé, compliqué tout ça là, bolingo compliqué. Bato basali ko bossa na te, il n'y a pas de sommetier, il n'y a que du saut de jambe. Ah, bolulé. Ebele yango ya makambo na kuma mokili elenge. Yango likambo oyo bizon ya susi nga na mekate. Ebele yango ya makambo na kuma mokili elenge. Tolobaka juro nyonso mokili mabe. Biso bato ya mokili tokomisa monde nzala. Ndeke aliaka tango nyonso akonaka elanga te. Biso bato ya mokili bololeo. Celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui est intelligent sera gagné. Celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui est intelligent sera gagné. La dépense. Yeah, yeah.